Cette semaine, c'est avec grand regret que je suis ici. Une fois là, je dois subir la présence non pas de un, mais bien de deux assistants parmi les pires pouvant exister. Mon karma se poursuit encore cette année avec l'exécrable présence de Jeff Hull, qui se fera certainement un malin plaisir à conspirer contre moi en compagnie du puant de gobelins sinistros. Donc, voici peut-être pour la dernière fois réanimation. Et c'est bien pire d'être médecin, surtout à cause de vous. 2. Je prierai aussi avec vous pour ne pas y survivre. À ces enfoirés, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon said so. Go! moment d'attention, s'il vous plaît, tout le monde. Ben, on a juste une petite nouvelle à vous annoncer. Stéphane pis moi, on va se marier. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi 28 octobre, venez voir les Oranges et les Rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 8 octobre de l'an de disgrâce 2013, je suis le Dr. Payne Pendragon. Et ce soir, comme à l'habitude, je suis accablé par Sinistros. Oui, allô. Oui. Et fort intéressant. Et là, je suis vraiment, mais vraiment accablé par nul autre que Jeff Hull. Jeff Hull, mesdames, messieurs. Jeff Hull qui va venir nous raconter des anecdotes incroyables. Eh oui. Comment vas-tu, Jeff? Oui, ça va très bien. Oui. Avec cet accueil chaleureuse, je sens que le pot arrive bientôt. Comme toujours. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire la nomenclature de ce que nous avons entendu en début d'émission comme premier bloc. Avant cette pause publicitaire, c'était la formation Exodus et la pièce Going, Going Gone que l'on retrouve sur Shovel-Headed Kill Machine qui est paru en 2005 sur l'étiquette Nuclear Blast. Sodom et la pièce Shoot Today, Kill Tomorrow tirée du dernier album Epitome of Torture qui est paru un peu plus tôt cette année en 2013, évidemment sur Steam Hammer. Megadeth et la pièce This Day We Fight. Sur l'album, dernier album que je trouve vraiment intéressant de cette formation, Endgame, qui est paru en 2009 sur l'étiquette Roadrunner. Nous avons ouvert avec Anthrax et une reprise d'Anthrax par Anthrax, soit la pièce Cough in a Marsh, que l'on retrouve sur l'album The Greater of Two Evils. Album qui reprend les principales pièces des trois premiers albums, mais avec le vocal de John Bush, c'est paru en 2004 sur Megaforce. Ceci étant dit, ce soir, Sinistros, nous avons la corvée de recevoir Jeff. Eh oui, Jeff qui va venir nous, peut-être, nous convaincre que son Metal Fest a des vertus thérapeutiques insoupçonnées. Insoupçonnées, effectivement. Bon, je ne savais pas qu'il y avait de la thérapie là-dedans. Hein? Ben, peut-être que oui. Thérapie par le bruit. Jeff qui vient nous voir de moins en moins souvent. Ça fait déjà un an que t'es pas venu. Ben Jeff. Oui, mais là, des mille pardons. Oui, c'est ça, excuse-toi. Ben, 2000 même. 2000 pardons. Non, c'est vrai, j'ai déjà voulu venir, puis ça ne donne pas. Le temps nous pousse dans le derrière. Ça. Ah, ben ça, je te comprends, par exemple, mon ami. C'est plus on vieillit, moins on a de temps pour faire des festivals. Ben, moi, je suis encore très jeune. Oui, effectivement, de corps. Je suis tellement jeune que j'ai trop d'affaires à faire. C'est surtout des rénovations. Des rénovations? Tu fais des rénovations maintenant? Ben, entre autres. OK. Je travaille. Oui, ah oui. Puis on c'est fait nouveau, du Metalfest. Ben, je veux dire, c'est nouveau de là, 20. comment je pourrais dire, 30 quelques années, là. OK. Hey, Jeff, t'es. Ben, écoute, t'es le bienvenu, évidemment, tu le sais. Mais t'es venu cette semaine nous entretenir spécialement du 13e. La 13e édition du Metalfest. Il y en a 13e édition du 3e Metal Fest qui a encore lieu à la bâtisse industrielle. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas que c'est où, là, encore, là, ça fait 7 ans qu'on fait ça là. C'est à côté du Colisée de Trois-Rivières. C'est en avant de la traque de course des petits bazous là, au mois d'août. Là. Exactement. Plus précisément au 1760 avenue Gilles Villeneuve. Ce qu'on appelle nous autres dans le coin le terrain de l'expo. C'est ça. Effectivement. Pas loin de où ce qui les slot machines. Ben oui, donc. Tout à fait. Déjà 13 ans, Jeff. 13 ans, puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer. Il dit je pense que t'es le plus vieux festival, ben disons, extrême métal. Mm-hmm. Nord-américain. T'es-tu sérieux? Ben, je veux dire, là, on a commencé. Là, je dis, ben, voyons donc. Là, j'ai commencé à faire le tour un peu des festivals qu'on connaît, là. Oui, oui, oui. Je parle pas d'un festival qui. C'est des petits bandes locales là, chez mm-hmm. eux ou qu'on n'entend pas parler, là. Mm-hmm. Festivals qui font venir des bandes internationaux comme on peut le faire, là. Mm-hmm. Là, j'ai dit, bon, OK, il y a le Maryland Death Fest, mais ça fait. Tu sais, ils ont commencé les années 2000, je sais pas trop. Fait que j'ai dit, ben, on est pas mal, hein, des. Tu sais, j'ai fait le tour, là, mais le Milwaukee, ça marche plus. Le New England, ça c'est pas aussi vieux que nous autres. Tu sais, je veux dire, je vois pas quel festival qui pourrait, tu sais, je veux dire. C'est drôle à dire, là. C'est non, pas, mais non, mais c'est une constatation. C'est vrai que ça fait depuis 2001 donc 13 ans qu'on fait le festival. Mm-hmm. Il y a du public qui va venir nous voir que je pense que quand on était la première édition... Il y avait encore la couche Il était étonné, mais il n'était pas vieux. Là, mais il y avait à peine l'âge de se trouver peut-être dans un festival. Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs générations il y a quelques générations qui... T'as-tu vu, mais tu remarques tous ces gens-là? Oui, c'est parce que là, on voit que c'est... Disons, quand c'est des jeunes qui viennent, ben c'est pas des faces qu'on voit il y a 5 ans. Là, ouais. Il y en a qui nous suivent, les plus vieux. Puis il y en a même qui nous suivent depuis le début, mais sont plus rares parce qu'à un moment donné, quand plus tu vieillis, plus tu as des choses. Moi, des obligations, puis bon. Mais peu importe ça, on pourrait faire une thèse sociale là-dessus. Ben, ça nous intéresse plus ou moins. Ben, on le fera un moment donné, mais... Mais peut-être. Lors d'une émission consacrée aux thèses de Jeff Hull. Ouais, mais là, il faudrait que j'écrive mes mémoires. Puis... Ça risque d'être long. Fait que t'es en train de dire, plus qu'on vieillit, plus qu'on loge le métal. Ben, ça, en général, ça c'est peur. Ça. Pas pour toi, pas pour moi, ça pas pour peur, nous autres. Ben c'est vrai. Tout le temps, c'est ça. C'est vrai, effectivement. Non, mais j'encourage pas les vieux. Ben non, c'est décourageant, ça. C'est... Ben, c'est parce que c'est toi qui décides. T'sais. Mais des fois, c'est la vie qui décide pour toi. Mais justement, Jeff, ça m'amène à une question. As-tu l'impression que ton événement peut justement réattirer des gens qui sont un peu déconnectés du milieu métal, puis qu'une fois dans l'année, ils se disent, on va aller se retremper, on va s'en mettre plein les oreilles? Ça peut être ça aussi, tu sais, ouais. Un peu comme l'AV Montreal, où mm-hmm. ils vont chercher des bands plus mainstream. Cette année, avec des groupes comme Obituary, Suffocation, même Hatebreed, c'est des vieux bands, tu sais, des bands qui roulaient des années 90. Fait qu'on va peut-être revoir du monde qu'on voit jamais dans les shows, parce que là, il y a Obituary, ouais. À Trois-Rivières, c'est à côté de chez eux, tu sais, c'est pas cher, tu comprends, je veux dire? Absolument. Fait que ou Voivode, tu sais, ils vont dire, ah ben Voivode, tout le monde connaît ça un peu. Tout le monde qui écoutait du métal, ben savent oui. C'est quoi Voivode. Tout à fait. Ça veut pas dire qu'ils connaissent tous les albums et toutes les tunes, mais. Mais Voivode, ils savent ce que c'est. Ils vont dire, bon, OK, Voivode, on va aller voir Voivode pour renouer le vieux bon. Exactement, vieux. C'est sûr. Ça peut être un. Un élément de ralliement là, que je pense que ça peut être intéressant. T'sais. Mais toi, présentement, t'en es, toi et ton équipe, évidemment, là, on parle de Sam et Annie, oui. Trois-Rivières Métal. T'en es la troisième année, la 13e année. Le constat que t'en fais maintenant, après en avoir fait 12, être dans le 13e, as-tu l'impression que cette business-là est différente de ce qu'elle était au début? C'est-tu plus difficile? Les choses font-tu plus simplement? Ben là, au début, on était au Maquisard, c'était une salle plus petite, ouais. Avec moins de, je dirais, de fardeau financier, si tu veux. OK. C'était plus facile, c'était moins risqué, là, c'était comme... Les facteurs de stress étaient peut-être un peu moins élevés. Ben, c'était d'autres choses, mais il fallait s'en occuper, il fallait monter ça, puis il y avait des choses là-bas qu'on était aussi stressé parce qu'à cause de la petitesse de la place, c'était pour ouais. Un festival, là, ouais, c'est ouais. Une belle salle, c'est grand, mais... Tu rentrais 500 personnes, puis 8-9 bandes là-dedans. Ça les backstage, t'as petit, l'entrée, t'as petite, tout t'as petit, tu sais. Fait le coup de pied dans le cul qu'on a eu en 2007, parce que quand le maquisard a fermé, on a été dans une plus grosse salle, mais là, on a pu développer de quoi de plus gros. Tu sais, faire venir, on aurait jamais pu faire venir Cannibal Corpse en 2010. Effectivement. Des builds qu'on a eu comme en 2008-2009 ou Cavalera Conspiracy. Tu sais, t'aurais pas pu faire ça au maquisard. Tu sais, financièrement, ça aurait pas été viable. Là, tu sais. Même cette année, avec le build qu'on a, tu peux pas faire ça dans une salle de 500 personnes. Non, c'est proportionnel. Quand tu vas avoir quasiment le double. Tu sais. Je veux dire. Ça nous amène, vu que c'est plus gros, ben là, c'est plus d'argent, c'est plus d'investissement, c'est plus. C'est une autre dynamique parce que dans le temps, on n'avait pas de son, salle, montage à faire. Là, c'est ça qu'on fait. Mais là, on est habitué. C'est un copier-coller de l'année passée puis des autres années. Ouais. Mais ça reste que. C'est toujours un do or die à chaque année. Là, mais la business de booking en tant que tel, elle se transforme-tu? Ça se ressemble pas mal. C'est toujours un peu les mêmes problématiques, les mêmes. Quand ça décolle, ben ça décolle tout le temps la même façon. Tu sais, je veux dire, le premier département qui est sollicité quand on repart au Metal Fest, c'est le booking. Donc, c'est moi qui s'en occupe. Fait que, j'entends des oiseaux. Oui, ben c'est parce qu'on est à la Belle Étoile à présent. Ah, oui, c'est des oiseaux magnifiques. Oui, magnifiques même. Bon, c'est comme le. C'est tes oiseaux à toi, ils sont pas magnifiques. C'est comme des petits singes. Non, mais tout ça pour revenir. encore des insides que le monde ne comprenne pas. Non, mais c'est pas grave. Une année, il va falloir expliquer au monde. ça serait long. Ben, tout ça pour t'expliquer que, bon, ben, c'est challengeant quand même. Tu sais, faut pas. Le jour qu'on ça nous tente. Qu'on aura plus de plaisir à le faire, on va arrêter. Ben, j'imagine que c'est le critère numéro un. Oui, mais ça reste que c'est beaucoup d'ouvrage, c'est quand même du stress. C'est jamais gagné d'avance, c'est pas comme. J'imagine que. Fait que c'est. Puis il y a toujours plusieurs affaires à décider. C'est quand même une grosse poutine à brosser. Là. C'est pas le Heavy Montreal puis un gros festival de même, mais ça reste. Ça reste beaucoup d'organisations, j'en suis certain. Puis vu que c'est nous, on est plus comme des promoteurs indépendants, je pourrais vous dire ça, parce qu'on fait pas ça à l'année longue, là. C'est pas notre gang-pain. C'est pas votre gang-pain principal, effectivement. Puis c'est tout, surtout qu'on est comme un OSBL. Puis si on paie de l'argent, ben c'est nous autres qui vont battre. Là, oui, c'est pas la ville de Trois-Rivières qui va garantir. C'est la réalité. C'est, quand je te dis, on a toujours le couteau à la gorge, ben, faut que ça marche. Je veux dire, le monde, des fois, quand il dit il repose cette année, tant de moins, ben, c'est parce que si. Le monde dit comme toi, il n'y aura plus l'année prochaine de festival. Mm-hmm. Puis tu vas trouver ça plate parce que tu t'attends à ça avoir un festival dans ta ville. Tu sais. Mm-hmm. Pas aller à Montréal ou à Québec pour aller voir des choses. Exact, hein. C'est vrai. Mais écoute, je sais pas présentement, on parlait tout à l'heure quand tu es arrivé, tu me sembles être assez confiant dans ce qui est au niveau de la pré-vente. Oui, ça va très bien cette année, surtout le samedi. Fait que on a une grosse pointure, hein, fait que c'est sûr que c'est plus ça donne un gros push pour la pré-vente. Justement, en parlant de pointure, rappelle-nous donc qui on va avoir l'occasion de voir ces deux soirées-là. La bottine souriante. Ah oui, ça, je le savais déjà. Les Turissimo. Oui, je suis content ça d'ailleurs. C'est la première fois à Trois-Rivières. Hein? Non, il n'y aura pas rien de ça. Là. Non. Fait que le 11 vendredi qui arrive, là, le 11 octobre, on est déjà rendu là. T'sais. Oui. En ouverture, ça va être Tribunal. C'est un groupe qui a gagné le concours Metal Academy à Montréal. Mm-hmm. C'est un groupe qui fait dans le death et jovialiste un peu, là, qu'on pourrait dire. Un death jovialiste. Okay. Ben, c'est parce que le jovialiste, c'est dans les habillements. Okay. Fait que, je pourrais pas plus vous en dire. C'est une formation de où, ça, déjà? Ben, je pense que c'est Montréal. Montréal, okay. J'ai pas les. Jovialiste. J'aime bien ça. Non, mais jovialiste. Oui, dans le sens. C'est bon, je trouve ça drôle. Ouais. Ouais, mais en tout cas, on verra. C'est ça arrivé de bonne heure parce qu'il commence à 6 heures. Les portes ouvrent à 5 heures. Mm-hmm. Après ça, c'est très bon band On Human de Montréal. Mm-hmm. Avec Yuri qui jouait dans Cryptopsy. Oui. Okay. Après ça, c'est Hollow, un groupe de black symphonique de Montréal. Mm-hmm. Qui ont déjà joué au stage. Le Paint Corps, c'est très spécial. Là. Ils ont comme des airbrushes. Ah oui? C'est comme un airbrush. Là. En tout cas, c'est fucké. Là. Puis après ça, c'est Beyond Creation. Très bon band de death metal avec Forest Lapointe. Beau technique, ça. Mmh. Très technique. Ils ont tourné avec Cannibal Corpse dernièrement. Puis après ça, c'est Blackguard de Montréal. Ça, ouais. Ils sont plus dans le metal mélodique là, européen. Mais très bon band live, très énergique. Chanteur, c'est un showman. Là. Mmh. Puis là, après ça, on a Jungle Rock du coin de Chicago, puis le Wisconsin. Fait que vous avez vu Jungle Rot. On a tous vu Jungle Rot. Fait que c'est nous étions ensemble, d'ailleurs. Ben oui, ben je les ai vus quelques fois. Même. C'est conquis d'avance. C'est, ben Jungle Rot, c'est un genre de death metal très... groove. C'est, tu fais aller à la tête, là. C'est immanquable. Après ça, on a Voivod. Le retour de Voivod, la dernière fois qu'on les a eus au Metal Fest, c'était en 2008. Donc, c'était en 2008, hein? Oui, ouais, c'est ça. Je ne savais plus ce que c'était. C'est ça, j'ai... Puis c'est toujours les mêmes membres qui étaient en 2008 qui sont là encore. Fait que, mais plus plissés. C'est pas fin, ça. Non, mais d'ailleurs, on va le couper au montage. Oh, ben, je n'ai pas de montage. Ah, c'est mal. Mais c'est juste pour t'encourager, ça. Oh, ben, là, je n'ai pas, en tout cas. Puis, ben, Voivod est co-headliner avec Suffocation. Oui. Suffocation était venu en 2009. Ils nous avaient torché ça dans la face, comme on pourrait dire. Fait que là, ils vont nous refaire une leçon. Ils vont nous réessuyer ça comme pot. Ben, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, un très bon album, dernier album. Oh, c'est ouais, des bandes-là, le Voivod Suffocation a sorti du bon matériel. Là. Fait que ça, Suffocation finit le vendredi 11 octobre. Et le 12 octobre, vous couchez un petit peu, puis vous repartez sur le gros party. Parce que ça part encore ça à 18h. Ça part encore à 6h, à 18h, avec Hear My Word, qui est un groupe de Trois-Rivières, Shawinigan, là, plus qui est dans le metalcore. Puis après ça, c'est les Insurrections de Gatineau. Qui sont venus il y a deux ans. Puis là, c'est toujours très, un band très énergique en show. Absolument. Parce qu'il y a des roues dans ce band. Oui. Deux roues. Bien important. Ça change toute la dynamique. Oui. Du monde avec des cheveux roux, vous voulez parler. T'sais. Oui, on avait compris. Ben non, c'est parce qu'il faut être clair, hein. Dire, on parle à la population. C'est un gars qui est en chaise roulante, il y a deux roues là-dedans. En tout cas, on parlait des cheveux. Là. On connaît quelqu'un qui nous a fait en show une joke là-dessus, deux roues, trois roues, mais je ne me rappelle plus. En tout cas. Battle Cross sera sur le stage après. Battle Cross est un groupe américain. De genre trash, new school, old school, un petit peu mélangé. Là. Un peu genre speed même. Là. Ouais, mais c'est très très bon. Ça, Dernier, ils ont sorti ça, la bombe, ça risque y a d'être pas notre, une bonne surprise pour le monde qui ne connaissent pas. Là. Puis après Battle Cross, ben, on a The Acacia Strain qui fait plus dans le gros metalcore pesant, le gros hardcore. Là, ça, breakbeat c'est pas. On parle pas de Cimberplan pantoute, là, tu sais. Disons, on ose espérer. Il y a pas d'espérer. Il y a rien à espérer d'eux autres. OK. Après ça, c'est Shadows Fall. Ouais. Pour ceux qui connaissent Shadows Fall, ben, c'est un genre de trash mélodique. Teinté de metalcore, un peu. Ouais, mais c'est très mélodique, là. Mais mélodique, tu sais, c'est pas. C'est quand même éveillé, là. Mais fait que ça va être très intéressant. Première fois pour Shadows Fall à Trois-Rivières. Obituary sera parmi nous. Mm-hmm. Plusieurs le demandaient. Nous écoutons la population. Ben oui, ne reculant devant rien. Et nous avons, non, mais je suis très content d'avoir Obituary. Écoute, Obituary, ils ne sont jamais venus à Trois-Rivières, ça c'est clair. Mais c'est pas un band qui vient régulièrement dans le coin. Non, ben la dernière fois, c'était il y a deux ans, je pense. Probablement. Je les avais vus. Ils avaient fait Montréal-Québec. Fait que non, puis ils viennent, ils vont pas à Montréal, ils vont pas à Québec. C'est exclusif à Trois-Rivières. C'est bien. La plupart des bands sont exclusifs. Puis en tête d'affiche, le gros clou du festival, ben c'est Hatebreed. Hatebreed, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un band qui vient du coin de Connecticut ou Boston. Je pense que c'est du Connecticut. Connecticut. Ça fait longtemps qu'il roule. C'est un gros following. C'est un genre de metal core, metal, même. Hardcore, old school. Ouais. Très, très énergique. J'ai l'impression que ceux qui ne connaissent pas ça, ils vont s'en souvenir. Ah ben oui, on s'en souvient, c'est sûr. Mais d'ailleurs, en parlant de la bonne façon ou de la mauvaise façon, mais bon. En parlant d'Hatebreed, justement, tu nous as préparé deux blocs musicaux qui ont rapport directement avec ton Metal Fest, et je pense que tu débutes avec Hatebreed. Ben oui, on va y aller avec le dernier album. J'ai pris la pièce Idolize and Vilified. C'est bien ça, de l'album The Divinity of Purpose. C'est sur l'étiquette Razor and Tie. C'est paru cette année, en 2013. Fait qu'on va y aller avec Hatebreed, puis on va continuer avec d'autres bonnes chansons de Ben qui est sur Metal Fest. On va vous dire ça après. Go! I'll take your dream! I'll take your dream! I'll take your dream and crush it!

recherche. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Oui, toi, t'as bien compris. Rejoins l'équipe de C'est fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Vivez l'événement cinématographique de la rentrée. Voyez la vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, d'Abdelhadif Kechiche. Voyez le film gagnant de la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes. Une troublante histoire d'amour dont tout le monde parlera. Écoutez C'est fou et courez la chance de gagner des laissez-passer. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, au cinéma dès le 11 octobre. Check ça, Mathieu. On a reçu ça par courriel. Bigger, harder, enlarge your ass, wreck. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Clique dessus. Aïe aïe, on a fait pousser notre émission. C'est fou vous offre maintenant 3 pouces, 3 heures d'assemblage requis chaque matin. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. On dirait que t'es parti de 7h30. Hey Mathieu, finalement c'était vraiment poche comme concept de pub. Ouais! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 01 et vous êtes toujours à l'écoute du Handel Incorporated Show, réanimation sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et qui plus est, en compagnie de Sinistros, notre invité de marque et je dirais annuel, Jeff Hull et moi-même, votre clown de service. Ouais, mais non, le morceau, il est là. On trouve que là, t'as fait ton temps. Effectivement, t'as raison, j'ai fait mon temps, fait que faites-le dans ma place. OK. Non, moi, pas le temps. Pas trop le temps. Hey Jeff, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Là, on vient d'entendre, la dernière pièce qu'on vient d'entendre, c'était Insurrection. C'est ouais. Tout, ben là, c'est tous des groupes qui jouent sur le Metal Fest en passant. On s'en doute. Donc, c'est ça le concept, là. Tu sais, oui, gros concept. Ouais, ben, veux dire, hein, on est pas des n'importe quoi. Je penserais pas. Donc, Insurrection avec Set the World on Fire, c'est sur la compilation de l'année passée du 3V Metal Fest. C'est risqué. Qui laisse à me dire que cette année, on a un autre compil à donner aux premiers arrivants. Mm-hmm. Qui vont arriver, premier arrivé, premier servi. Ben vous êtes tombé bien gentil. Oui, c'est une compil double comme l'année passée. C'est plusieurs bands québécois. Là, on dirait c'est rendu pas mal un CD de la relève. Là. C'est pas okay. Mal ça, la vocation du CD. C'est bon pour découvrir des bons nouveaux bands. Pis, mm-hmm. Pis c'est gratuit, on donne ça à l'entrée, c'est professionnel. Ben, tu le sais, tu l'as vu. Oui. Fait que on donne ça à l'entrée, mais ceux qui ont acheté le pass... On a 300 passes disponibles sur le marché. Mm-hmm. Eux, on le CD gratuit assurément. OK. Pour les autres, c'est premier arrivé, premier servi. D'accord. Avant Insurrection, ben on a du Jungle Rot right. Avec No Mercy from the Merciless sur l'album Kill on Demand. On Command. On Command. Je pensais ouais. Que c'était Demand. Non, c'est Command. C'est Command. Ben c'est ouais. Un très bon album, d'ailleurs. Oui. Paru en 2011. Mais là, il y a un nouvel album. Mais Terror Regime, il est ouais, excellent. Ouais. Très bon aussi. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec un... Mais c'est un excellent choix. Avec une tune que j'aime beaucoup. Avant ça, on a entendu Obituary avec Payback de l'album Darkest Day de 2009. Je pense qu'ils ont sorti un nouvel album, hein? Depuis 2009? Non, non, je pense pas. C'est... Oui. Je pense que ouais. Oui. Là, c'est ça qui me mêle. Écoute, on va faire même... On va même vérifier ça. Ouais. Non, mais en tout cas, on va vérifier ça. On va demander à Télésino de... Je sais pas, il n'y a pas de Télésino ici. Non, mais il y a un maudit tapageur, par exemple. Ouais, en passant, après le Metal Fest, à chaque soir, il y a un after party au Rock a Full Stage. Comme d'habitude. Cette année, le vendredi, c'est un hommage à Pantera. Ah, ça, je savais pas. Oui. Fait que puis le samedi c'est ça coûte 5$ à l'entrée puis c'est pour finir la soirée en beauté. Mm-hmm. Puis le samedi c'est Strong Intention du Maryland avec un autre groupe qui s'appelle Absolute Mankind. C'est des anciens de Rexis puis de d'autres groupes de hérétiques qui sont montés un band genre vraiment old school death des années 90. Là. OK. Fait que ça risque d'être un bon mélange, un heureux mélange explosif. D'accord. En fait, juste sur une petite confirmation, Darkest Day est effectivement le dernier bon, full length studio de sortie de Obituary. L'autre avant, je pense, c'était Executioner's Return. Bon, OK. Ouais. Puis ça, c'était un peu le retour. Non, c'était Frozen in Time. Ah oui, Frozen in Time. C'est ça. C'est les trois derniers du comme genre le petit comeback. Le refait. Ouais. Exactement. Ben, je ne sais pas si quelqu'un va oser dire Obituary. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre ancien guitariste? Ben écoute, puisque les gens vont avoir le loisir d'accéder aux gens d'Obituary, c'est la première chose. Moi, je ne le demanderai pas. Oui, c'est ça, effectivement. Écoute, t'as fait quand même jusqu'en début d'émission un bon topo de ce qui avait été la préparation, de ce qui est les dernières années, et ainsi de suite. Maintenant, tu pourrais peut-être nous donner vraiment plus de détails de ce qu'on doit s'attendre à voir en fin de semaine, mais au niveau des endroits où on peut se procurer les billets, le coût, ainsi de suite. Le coût des billets, c'est 35$ pour un soir et 60$ pour deux soirs. OK. Les passes, il en reste pas beaucoup. Il en reste encore un peu dans les points de vente, mais c'est limité à 300 passes. Comme je disais, la passe donne droit à un CD gratuit officiellement. Et un billet gratuit pour le tirage d'un cabinet nomade. Oui, parce qu'il y a un tirage intéressant associé au festival. Oui, un cabinet de guitare de la compagnie Nomade. C'est une compagnie du coin. Une compagnie de la Rive-Sud, je pense. Oui, Bécancour. Oui, ouais, puis il va y avoir des billets en vente au kiosque de Nomade, voire un kiosque au Metal Fest. Je pense qu'on parle de 5$. Ça reste à confirmer. Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Là. Fait que non, ben ça doit pas être plus cher que ça. Mais c'est vraiment pas cher. Pour participer à avoir un super beau prix. C'est une pièce qui vaut 1000$. Oh oui, on s'entend que c'est pas de la cochonnerie. Non, c'est vraiment pas de la cochonnerie. C'est des câbles qui sonnent très, très bien. C'est des très bons câbles. Fait que on incite le monde à participer au tirage pour gagner. Puis ça va être le fun. Mm-hmm. Puis donc, ceux qui ont le pass, ben, ils ont ces avantages-là. C'est le fun. Fait que, puis, La prévente des forfaits deux soirs est bonne jusqu'à présent? C'est très bon. Ouais. Comme je dis, il en reste encore des passes, mais on n'est pas loin d'être... sold out. Sold out. Puis le soir du spectacle, on vend plus de passes. C'est des billets simples qu'on vend. Mm-hmm. Fait que dépêchez-vous si vous pensez venir les deux soirs. Mm-hmm. Je pense qu'on peut pas manquer ça, ces deux soirs-là. Écoute, c'est une tradition, le troisième Metal Fest aussi. Puis il y a bien du monde qui ont bien hâte au Metal Fest. C'est comme une espèce de gros party de Noël, mais au mois d'octobre. Ouais, mais métal. Mais c'est un party de Noël après le Noël du campeur, mais avant le vrai Noël. Puis entre l'Halloween et le. Puis la Saint-Valentin. Puis présentement. Tu parles qu'au travers de ça? C'est après. OK. Puis l'Action de grâce. Mais on est dans. Ça va être là. C'est le métal d'Action de grâce. On aurait dû faire de quoi? On va faire brûler une poule. C'était des dindes. Des dindons? Des dindons juteux. Des dindons de la farce. Ouais. Non, il n'y aura pas de dindons puis de. Ben, à la place de mettre des grosses têtes de taureaux ou de chats, tu vas mettre des dindes. Tu me demandais des anecdotes. Je vais t'en donner une bonne anecdote. Metal Fest 1. De 2001. 2001. Decayed Remains. Decayed Remains, un groupe de Saint-Tite qui n'existe plus. Joue en finale. Headliner. Mais à martyr avant. Puis là, eux autres, ils ont décidé que. Tu sais, c'était un peu black, le refrain, mais tu sais, trash black, en tout cas. Là, ils ont amené comme deux têtes de taureaux ou de carcasses. Ça sentait le tabac. Ouais, mais c'était pas comme sur le bone, là, tu sais, sur... Non, c'était en putréfaction. Il y avait une couche de blanc, là, qui sentait, puis il y avait du sang de... Tu sais, ils ont amené ça dans des sacs, mais ça c'était mal emballé, puis ça coulait à terre. C'était comme du sang clair, là. Puis ça sentait. Puis là, pendant le changeover, les techniciens, ils changeaient les micros. Mais là, t'as les têtes de bouc entre les bass drums. Puis là, tu changes les micros, puis tu passes à côté, puis ça sentait fort, là. Tu sais, ça sentait à charogne, là. Tu sais, imaginez-vous Watten, là. Watten n'a rien inventé. Non, c'est ça. Là, j'étais là, de voir le chanteur, voyons, c'était Eric Mascotte. J'ai dit, là, ça n'a pas d'allure, vos astuces d'affaires, là. Ouais, on trouve ça drôle, là. Puis, tu sais, je veux dire, il riait, là, tu sais, il a du fun, là. Tu sais, Ça sentait, c'était correct, mais là, hey, les techniciens capotaient. Ils disaient, on a tué le veillier finisse. C'est pas ça. Hey, les mecs, ils sortent en plus. Hein? Ouais. Imagines-tu que c'est pas. Pas, hein? Pas une tête pour dire qu'on fait quoi à deux, là. Non, ouais. C'est ça. Ouais, c'est, ouais. Non, mais c'était drôle. Puis d'autres affaires, on en a plein, mais on va faire un livre à un moment donné là-dessus. Ah, mais vite de même, on the fly, là, depuis que vous êtes à la bâtisse industrielle, tu de quoi, là, qui font partie des insides du Metal Fest, que la crowd en général n'a pas eu vent, mais des affaires qui ont été vraiment weird? Weird. Il y a des fois, ben là, on va pas trop parler, mais quand on fait les montages le jeudi puis les soundchecks dans. Il y a du monde qui font du karaté, des locaux. Oui. Là, puis là, ils t'es voué, là. Puis là, ils ont les deux mains, ses oreilles, puis là, ils sont plus capables. Là, c'est drôle, t'es voué. Puis moi, c'est dans ce temps-là que j'ai pas trop de pitié. Mais là, regarde, c'est pas pour faire du mal, mais on faut travailler. T'sais. Ben oui, c'est clair. Mais écoute, t'as une salle à monter. Les points de vente pour les billets? Points de vente, dans la région, il y a Amnesia, mm-hmm. Au Centre-Rivière. Il y a les deux puces rock sur des forges et au Centre-Ville, à Notre-Dame. Il y a London McQuaid. Oui, au Centre-Ville, ici, à Soir-Rivière. Puis Metal Punk, faut pas oublier notre ami Pete. Eh oui, qui est au Centre-Ville aussi. Sinon à Drummondville, 10 Rubin. Oui. À Québec, à Vision Rock. Mm-hmm. Et à Montréal, au Profusion. Mm-hmm. Et sur trois-rivières-metal.com. Oui. 3RMF.com sur le site PayPal. Si vous achetez en ce moment. On va garder vos billets à la porte, vous les prenez à la porte. Okay. Mais vous les payez par PayPal. OK, c'est bon. Fait que c'est ça pour les points de vente. Et sinon, à part ça, il va y avoir plein d'exposants, de vendeurs de CD. Galley Records va être là. Okay. Il y a des vendeurs de CD Black Metal. Là, les mêmes qui ont les mêmes retrouve que, les autres années. Oui, on a d'autres aussi, là. Fait que Metal Punk va être là. Puce Rock va être là avec des colis fichés. Fait que là, c'est un peu. C'est un peu. Ben, ça serait bien. Faudrait que j'élargisse un peu l'année prochaine. Des sex shops. Aller voir les sex shops en ville. Ouais. Attends-tu de nos Metal Fest? Des jeunes, ça soigne, tu sais. Pas rien que les jeunes, les vieux aussi, tu sais. Ben, dépend quel vieux, là. Ouais. Moi, oui, pas toi. Mais lui, il swing, mais en chaise roulante. En chaise roulante. Ouais, puis là, à un moment donné, sa femme a dit, là, c'est parce que tu swings dans le mur. Là. Mais là, c'est de la merde. On s'écarte un petit peu. C'est de la merde, la crise, ce qu'on dit là. Écoute, tu nous as préparé un deuxième bloc avec trois autres formations qu'on va pouvoir retrouver. Ouais. Il va y avoir Voivod. Je suis bien content d'avoir Voivod. C'est notre gros band québécois de la fin de semaine. Puis c'est le même line-up. Les mêmes membres qui ont joué en 2008 mm-hmm. au Metal Fest. Puis ils ont un nouvel album. C'est formidable. Target Earth, qui est très, très bon. Très bon. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est Voivod original avec Dan Mongrain. Ouais, mais il y a une petite touche des derniers Voivod aussi. Ouais, mais. Ouais. Ouais, je te dirais que ça a pris une coche pas mal depuis les trois derniers albums. La direction est meilleure, là, c'est plus métal, sans être. C'est pas les premiers albums de Voivod non plus. Non, mais. Ça peut s'entendre d'avoir ça non plus. Là, c'est un peu comme Dimension Atroce, Nothing Face. Mais en plus peut-être bien fignolé, je sais pas comment dire ça. Ben, là, écoute, l'expérience est rentrée en ligne de compte. Je pense que la chimie est très bonne entre les membres aussi. Ouais. Hein. Fait que Voivod, Target Earth, on va entendre ça. Après ça va être du Suffocation puis du Hollow. Fait que ça va donner une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient. Ça va donner une bonne idée de ce que le monde va manquer, ceux qui iront pas. Ouais, mais faut pas dire ça de même. Faut dire, ne manquez pas le Metal Fest. Monsieur le maire va peut-être venir. Faudrait que je l'invite. C'est, on est en élection. Je vais dire, monsieur le maire, venez, c'est votre nouveau public. Je sais pas si Mme Tardy va venir. Tu me demandes pas de rien. Oui, demander, hein. Tu me demandes pas de rajouter de quoi, là. Hein? Ben, ça serait très, très drôle que tu rajoutes de quoi. Ben oui, Voivod. 11 et 12 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifou 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 13e édition. 15 groupes sur deux soirs mettant en vedette Suffocation, Voivod, Obituary, Shadows Fall, Jungle Rot et Hatebreed. Billets en vente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Le Metal Punk et au 3RMF.com au coût de 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs. Quantité limitée. C'est des compilations doubles remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Gally Records. Les 11 et 12 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Tu écoutes C'est fou, tu lis le Zone Campus, tu désires t'impliquer dans ta communauté? Le GME est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à ca@gmeuqtr.ca. Date limite 11 octobre. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les dimanches à midi et du lundi au mercredi à 17h. Radio Autrement 89.1 C'est fou. Comment? Nous sommes de retour 10 secondes plus tard parce que Jeff s'est mis à détruire le bien public, évidemment. Hein, monsieur Hull? Non, attendez, je vais tout expliquer devant monsieur le juge. Là. J'ai pris le micro et j'ai essayé de le mettre à ma main. Donc, une position assez... honteuse. Honteuse. Hein. Une position nocturne. De contorsionniste. Puis finalement, et là, il y a une botte après ça qui a pété, qui a dévissé, puis ça m'a tout m'a chié dans les mains. Monsieur le juge, on fait quoi avec ça? Mais c'est pas moi le juge. Hein. Non, c'est qui? C'est Nistros, c'est un juge? Non. Il est probablement à la maison, le juge, en train de nous écouter. Non, on a tout réparé. Sinistro, c'est venu à mon secours et tout est bien parfait. L'histoire finit bien. Jeff, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? De la musique. Ben oui, mais encore. De la musique métal. Okay. Bon, on a entendu la dernière pièce qu'on a entendue, c'est Hollow avec Landscape. Ça, c'est sur le Trois-Rivières Metal Fest, la compilation de l'année passée. Mm-hmm. C'est sur un de leurs albums que je ne peux pas vous dire le nom là en ce moment. D'accord. Vous ferez vos recherches vous-même. Ben voilà, un peu de travail à la maison. Suffocation avant ça avec As Grace Descent sur Pinnacle of Bedlam. Qui veut dire, messieurs? Pinnacle of Bedlam, je peux te dire individuellement ce que ça veut dire, mais l'expression, je suis pas certain. Ouais, c'est un peu tordu comme expression. Ouais. Faites vos recherches vous-même. Bon, on verra ça. Puis en ouverture de bloc, c'est Avival avec Target Earth. Ah, ça, je peux te le dire, par exemple. C'est l'album Target Earth. Ça, ça allait être du comique des années 50. Oui, effectivement. Ah oui, ça a rapport au genre des comiques de science-fiction. Réseau spatial. Oui, effectivement, tout à fait. Oui, très influencé par ça. Oui, puis ça, la pochette est un peu à l'image de ça. Ouais. Effectivement. Jeff, si tu veux nous rappeler les bandes qu'on va pouvoir voir en fin de semaine. Ben, on voit Suffocation, Voivod, Jungle Rot, Blackguard, Beyond Creation, Unhuman, Hollow et Tribunal. Ça, c'est le vendredi qui arrive le 11 octobre. Oui. Le samedi, Hatebreed, Obituary, Shadows Fall, The Acacia Strain, Battle Cross, Insurrection, Hear My Word. Ça se passe le samedi le 12 octobre à la bâtisse industrielle. C'est à côté du Colisée de Trois-Rivières. C'est rue Gilles-Villeneuve. Le 1760. Le 1760, entre autres. Ça commence. Les portes ouvrent à 5 heures. Le premier groupe, 6 heures. Soyez là de bonne heure parce que tous les groupes sont très bons à voir. Mm-hmm. Puis on donne un CD compilation à l'entrée, un CD double. Puis ça coûte 35$ pour un soir, 60$ pour les deux soirs. Les passes limitées à 300, ça envole assez rapidement. Sinon, les billets simples, il en reste toujours. C'est probablement la porte pour ceux qui sont très, très branleux. Mmh, ça arrive mais toujours. Toujours mieux d'avoir votre billet à l'entrée. Vous rentrez plus vite et vous êtes sûr de rentrer. Tout à fait. Vous pouvez vous procurer les billets aux endroits suivants. Dans la région trifluvienne, chez Long and McQuaid, à la Puce Rock, aux deux succursales, soit au centre-ville, sur rue Notre-Dame et sur le boulevard des Forges. Amnesia, c'est au centre des Rivières ici. Metal Punk, c'est au centre-ville. Dans la région de Montréal, Profusion. Dans la région de Québec, Vision Rock. Et la région de Drummondville, chez Disque et Ruban. Et aussi sur le site directement, Jeff, de Trois-Rivières Metal. Ouais, 3RMF.com, sur notre service PayPal. Vous l'achetez, mais là, on le mêle pas parce qu'on est trop proche du festival. Donc, vous venez à la porte chercher votre billet à la billetterie. Voilà. J'aimerais profiter de l'occasion que Jean-François est avec nous. Qui ça, Jean-François? Ben, lui-même, à côté. Ah, lui, il s'appelle le même, lui. Ah oui! Ben là... J'ai jamais su son vrai nom. Non, ben maintenant, tu le sais. Pour annoncer qu'on sera en concert avec nos formations respectives, soit Fuck the Middle East et Hellborn pour ma part, le 2 novembre prochain, il va y avoir un hommage à Motorhead. Il va y avoir Fuck the Middle East, Satanic Glow Sniffers et Hellborn. C'est au coût de 10$ et c'est samedi, un party d'Halloween. Fait qu'il soit arrivé déguisé. Puis moi, je vais sûrement tirer des bonbons pendant ma prestation au public. Quel bonbon? Ben, des petits bonbons. Des lames de rose, voilà. Oh, il fallait pas que je le dise. Non, moi, c'est des épingles des pommes. OK. C'est quelle date et à quel endroit? C'est le 2 novembre au Chic Cabaret Le Stage. Voilà. Non, c'est pas un cabaret, c'est un rock café. C'est un rock café. Puis c'est chic. Effectivement. Mais je te dirais que l'éclairage a été renippé. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Je veux dire, allez voir des photos, on se créerait quasiment. Il y a un bel écran géant aussi. Oui. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont mis dessus. C'est ça. C'est ça, c'est de la surprise de la soirée. Des fois, Andy met des affaires. Des affaires pas trop catholiques. Ouais, okay, mais ça, on le dira pas. Jeff, oui. Si tu veux conclure avec quelque chose, avais-tu d'autres informations à nous donner? Ben, je dirais, on fait une invitation à tout le monde pour venir au Metal Fest en fin de semaine. C'est là que ça se passe, c'est un gros party. Absolument. C'est la fête du métal, comme on pourrait dire. Et c'est un chiffre magique, c'est le 13e. Ben oui, c'est le 13e. Il va peut-être avoir un Jason qui va sortir de Clacard. Ben, ou peut-être ça va être moi qui va être déguisé en Jason. Ben... Puis venez fêter l'action de grâce avec du métal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une très pas? Bonne idée. Emmenez votre dinde parce que nous autres, on n'a rien de ça. Fait que c'est un rendez-vous à Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal Fest. Allez sur les sites pour voir plus d'informations. Fait que c'est un rendez-vous. 11 et 12, c'est ce week-end. Ne manquez pas cela. C'est un rendez-vous. C'est une tradition. Merci, M. Hull. Ben, merci à vous. Puis on va se surpogner au courant de l'année. Oui, il faut faire un autre spécial avant les fêtes. Un spécial genre mauvaise fête. Oui, quelque chose du genre, ça serait bien. Sinistros, t'as un album à nous proposer cette semaine. Ben oui, nouvel album de Vision Bleak qu'on attendait tous avec impatience. Et ma foi, nous ne sommes point déçus. Ben, jusqu'à présent, non. Et oui, parce que c'est un excellent album qui s'appelle Witching Hour. Vous avez peut-être cru comprendre que le concept de cet album, ce n'est plus les vampires, eh bien, c'est maintenant les sorcières. Mm-hmm. C'est un beau concept, d'ailleurs. Très beau concept. Il y a même le vidéoclip qui est de Wood Hag, qui est... Ouais, c'est très bien, hein? Très, très, très Tim Burton, et dédié à la sorcière numéro 1 des contes pour enfants, oui. Hansel et Gretel. Effectivement. Mais Hansel et Gretel, vous savez, comme moi, si vous avez vu la nouvelle version qui a passé au cinéma. C'est assez evil. C'est un petit peu plus evil que ce qu'on était, ce qu'on faisait raconter comme sornette quand on était jeune. Effectivement. Alors, Witching Hour, qui est paru tout récemment en Europe, sur Prophecy Productions, il sort la semaine prochaine en Amérique du Nord via Century Media. Alors, allons-y tout de suite avec A Witch is Born, Vision Bleak. Go! Sides protect.

door with a trembling heart. This man seemed, what was their choice? A portal that opened and left a great noise. What do you feel in the next step? From this dreadful impasse, waiting for death to be dead at last. What do you feel when the moon steps on? The wolf acts calm. Who's the young and the lonesome? La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. L'Omnium du Rock mise au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bandes au Québec. Ne manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Dagobert. Visitez omniumdurock.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du Rock mise au jeu en collaboration avec Musique Richard et le studio Sismic. Soirée aphrodisiaque aux crèmes à ne pas manquer. Le vendredi 11 octobre, soyez prêts pour la soirée événement tropical automne 2013. Préparez-vous à une nuit exceptionnelle dans l'ambiance la plus chaude et les rythmes les plus torrides. Animé par DJ Paula, La Force Tranquille, ça se passe au Crème, Lounge et Boîte de Nuit, 125 rue des Forges, Centre-Ville, Trois-Rivières. Soirée aphrodisiaque. Que la fête soit avec vous. Soirée goupillée par MTG en partenariat avec CFOU 89.1 FM, Classic Cut et Joe Belly. C'est fou. 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFO 89.1 FM et ce jusqu'à 22h. On a eu plaisir tout à l'heure de recevoir Jeff Hull, un des instigateurs de Trois-Rivières Metal et du Trois-Rivières Metal Fest, bien entendu. Donc, je vous invite grandement à venir participer à cette 13e édition qui se veut, pour ainsi dire, n'est-ce pas, mon cher, une fête grandiose oui, du métal. Oui, effectivement. et qui tiendra à la bâtisse industrielle ici même à Trois-Rivières, dans ce que nous appelons régionalement le terrain de l'Expo. C'est à côté du Colisée. Eh bien, vous venez d'entendre The Vision Bleak avec les pièces The Wood Hag, Cannibal Witch, The Bloxburg Rite et A Witch is Born. C'est tiré de l'excellent album Witching Hour qui est paru la semaine dernière sur Prophecy Productions et sortira incessamment dans les prochains jours en Amérique du Nord. Et en Amérique du Sud? Ah, ben ça, c'est on s'en fout. Ben oui, effectivement. Finalement. C'est un bon album. Oui. C'est un bon album. J'aime beaucoup l'espèce de gimmick qui vient avec The Vision Bleak. Ben, ils ont toujours. T'as eu les loups-garous, après ça, t'as eu les vampires, ouais. Là, c'est les sorcières. Ouais, peut-être que la prochaine fois, ça va être les momies. Ben, peut-être. Puis peut-être le fantôme d'opéra. Ben, c'est pas compliqué de s'attaquer au Universal Monster. Frankenstein. Frankenstein. Mais les autres, ils se déclarent leur musique comme étant du horror metal. Ben, ça l'est pas mal aussi. Ouais. Hein? Ouais, c'est effectivement. Cool. Oh, oui, tout à fait. Écoute, Sinistro, je me suis enfin botté le derrière pour écouter le dernier album de Satyricon. Et qui porte le titre de Satyricon. Et je l'ai trouvé assez bien. Ben, pas moi. Comme je disais un peu dans mon commentaire, je trouve moins bon que son précédent, The Age of Nero, que j'avais trouvé très bon. C'est pas mauvais. J'ai trouvé ça mou. Ben, moi, j'ai trouvé ça correct. OK. Ben, tu sais, dans le genre, là, j'ai trouvé ça correct. J'ai donné quand même un 7.5 sur 10. Ben, ce qui, dans ton cas, c'est très bon. Oui, effectivement. Que penses-tu du nouvel album de Broken Hope, qui porte le titre de Omen of Disease? Musicalement, c'est quand même très bien. C'est vraiment bon, bien. Diète qui bûche à côté. Mais gutturalement parlant, c'est comme très fatigant. Là. Bon, on se rejoint très bien à ce niveau-là. Parce que vocal, moi, j'ai l'impression d'entendre un cochon qui se fait égorger. Bon, écoute, musicalement, je suis d'accord, c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé le côté, l'aspect musical des pièces, qui est très, très énergique. Mais moi, c'est un bon dette qui bûche. J'ai donné un 6.5 sur 10. Le vocal, il vient tout de... Écoute, tout je dis que ça donne l'impression d'un grognement des hommes des cavernes. Oh oui, c'est ça. Sans aucune prononciation. Avec une coupe de... Ça, c'est fatiguant, là. Mais effectivement, c'est Broken Hope, Woman of Disease, c'est un bon album, mais le vocal... Puis j'étais un amateur de death metal, là. Invétéré, là. Pas invétéré, mais vraiment, disons... Un vrai amateur de death metal, si je peux dire ainsi, puis ce vocal-là, il passe pas. Tu peux même pas comprendre un mot, là, si c'est... Par contre... Ouais, tu viens de me dire ça. Et puis je le présente la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment un de mes albums. Je viens de découvrir un des albums metal, en ce qui me concerne, top de 2013. C'est le nouvel album de Death Angel, l'album de Dream Calls for Blood. C'est excellent. Il est vraiment excellent. Excellent album. Écoute, les éléments sont tous là pour faire vraiment un succès de cet album-là. Présentation graphique est vraiment hot et vraiment très, très belle. La production est impeccable. Les pièces sont très bonnes. Je dirais originales aussi en même temps. Moi, cet album-là, je donne un 9 sur 10. La semaine prochaine, je propose 4 pièces tirées de cet album de Dream Calls for Blood. Mais tu me donnes l'eau à la bouche. Ah, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Écoute, je me permets de faire un petit escale parce qu'il est quand même déjà dépassé 9h, 9h02 précisément. J'ai plusieurs trucs cinéma à parler parce que j'ai vu d'excellentes choses. Ben, vas-y donc. Ben oui. J'en ai vu des pas bonnes, mais en tout cas. Ben, vas-y pas. Ben oui. Je vais y aller avec de quoi de vraiment mauvais que j'ai vu qui s'appelle Apartment 1303. Qui est sorti en 3D. Moi, je l'ai vu en 2D, là. C'est un film qui mélange trois nationalités. Là. C'est un film qui est fait par Ataru Oikawa, qui a une Japonaise qui joue dedans, il y a des Américains, il y a des Français, en tout cas, bon. C'est pas être un film d'horreur d'antise. Écoute, j'ai rien compris, parce que au bout de 40-45 minutes, il n'était rien arrivé encore. Je me suis dit, ben là, c'est une perte de temps, là. C'est une perte de temps. J'ai oublié ça, c'est pas bon. Apartment 1303, c'est vraiment pas bon. J'ai vu des trucs. Écoute, il faut que je te dise Game of Thrones, la troisième saison. Là. Ben là, je m'y mets en fin de semaine. C'est tout en ben, sorte. Ben pas en fin de semaine parce que c'est une Metal Fest, ouais. Bien sûr. Donc, à partir ben, de longue fin de semaine. Là, à partir de lundi, c'est dimanche soir, dis-donc. C'est ça. On devrait commencer. Tu vas sûrement. Je sais que tu avais apprécié les deux premiers. Oh, que oui. Comme, ben, ça, selon moi, c'est la série de tous les temps. Là, ben, c'est vraiment excellent. Écoute, celle-là. À mon humble avis, à moi, c'est la meilleure des trois. Ben, ça va le faire. C'est aussi une des plus sadiques. Cool. C'est aussi une des plus violentes, mais c'est aussi une des plus, je dirais, enrageantes par moment. OK. C'est très, très bon. Écoute, c'est une série qui est de HBO, qui est admirablement professionnelle. De reconstitution moyenâgeuse, si on peut dire ainsi, là, vraiment parfaite, ou à peu près. Le acting, le role-playing oh oui, est extraordinaire. On retrouve des noms qu'on est capable facilement à associer à certains films qu'on a vus, à d'autres séries qui sont tous des professionnels, d'excellents comédiens. Et écoute, c'est 10 sur 10 selon moi. C'est moi, bien. J'ai coté un 10 sur 10 pour Game of Thrones, la saison 3, c'est All Men Must Die, et ça porte bien son nom. Ça porte vraiment bien son nom. J'ai vu t'aimes-tu les films de science-fiction? J'adore ça. Écoute, Pacific Rim. Ben, j'en ai entendu parler. OK. Puis, je sais pas quoi m'attendre de ce... Écoute, moi, j'ai donné 8 sur 10 à ce film-là. Ah. Ça met en vedette Charlie Hunnam, qui joue aussi dans... qui fait Jax dans Sons of Anarchy. Mm-hmm. C'est un bon film de science-fiction. Écoute, moi, il faut savoir que ça se base un peu sur les films de giant monster japonais, Nippon, très américanisé. Donc, c'est des créatures, des extraterrestres, des créatures géantes qui arrivent des entrailles de la Terre par des abîmes de l'océan. Et c'est vraiment des créatures immenses, là. Des gens de titans, un peu. Je te dirais plus, genre vraiment créatures nippones, là. OK. Tu sais, créatures qui font des grosses têtes, des yeux séparés, pis, en tout cas, des cornes, tout ça. Et puis, ça se passe après une invasion d'extraterrestres. Ça se passe évidemment dans un futur assez éloigné. Et pour combattre ça, ils ont construit des robots géants qui sont activés par la fusion de la pensée des deux copilotes. Donc, les deux copilotes reviennent. Il faut que soient tous les deux. Il faut qu'ils soient en deux. Ils font une fusion parce qu'ils contrôlent chacun. Leur hémisphère droit contrôle le droit du robot et le gauche de l'autre contrôle le côté gauche du robot. Mm. Puis c'est vraiment à partir d'une combinaison, c'est leur mouvement qui fait actionner le robot vraiment, qui répond comme c'était purement un costume, si tu veux. Un genre de Goldorak, mais... Ouais, ça on veut, mais disons, beaucoup plus high-tech, là, puis beaucoup moins qu'éterne. Mais c'est vraiment bon, hein. C'est quoi le titre, rappelle-moi dans ça? Pacific Rim. R-I-M. C'est un film de Guillermo del Toro, d'ailleurs. Oh! Donc, c'est pas un nouveau venu. Et c'est très violent par bout, hein. Il faut pas s'attendre à un film de Walt Disney, là. C'est assez violent par moment, là. Oh. Bon, ben, écoute-les pas. Ben, d'abord, je vais te parler de... Non, mais je l'ai vu, là, qu'il avait sorti la petite sirène en Blu-ray, là. Pis... Oui, ils l'ont sorti en Blu-ray. Ils l'ont sorti en Blu-ray, puis je te le recommande pas du tout. Je me le recommande pas du tout. Écoute, juste une autre petite parenthèse. Ça, c'est vraiment mon highlight de la fin de semaine, mais ça sera probablement un de mes highlights de l'année. C'est The Conjuring. La conjuration. C'est un film de James Wan. James Wan qui a fait entre autres Insidious et Décadence, ça. C'est un film d'horreur. J'ai donné un 9 sur 10. Un film de peur. Un film de peur. C'est basé sur des faits vécus qui se sont produits à la fin des années 60, début 70, entre 68 et 71. Et il s'appelle The Conjuring de Warren Chronicles parce que ces gens-là ont vraiment existé. OK? Les Warren. Ed et Lauren étaient des démonologues et des chasseurs de fantômes très, très réputés mondialement. D'ailleurs, elle est toujours vivante aujourd'hui. J'ai vu une entrevue récente avec elle. Ils ont été appelés par la famille Perrin, une famille de 5 enfants et de 7 finalement avec les parents, qui ont acquis une ancienne ferme bâtie en 1864 ou 65, typiquement de plantation, si on veut, là, comme à l'époque du sud des États-Unis. Et dès leur première journée d'arrivée, ils ont des manifestations. Et ça devient de plus en plus récurrent jusqu'à ce que ce soit des attaques physiques, si on veut. Et ils ont connaissance que ces Warren-là se promènent d'endroit à un autre pour donner des conférences et ainsi de suite. Et elle décide le propriétaire de la maison d'assister à une de ses conférences et après la conférence de leur demander de l'aide. Et au début, ils sont un peu réticents, mais finalement, ils y vont. Et Lauren Warren dit dans une entrevue que j'ai vue réelle, là, que c'est le pire cas qu'elle a affronté dans sa vie. C'est le cas le plus terrifiant qu'elle a vu et c'est celui qui l'a marqué le plus sa vie, à savoir même si elle continuait de pratiquer ce métier-là. C'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très bon. Et elle dit que c'est très, très fidèle aux faits réels. Donc, la reconstitution est vraiment très bonne, semble-t-il. The Conjuring, Warren Chronicles, c'est un film de James Wan qui met en vedette Patrick Wilson, Vera Farmiga et Ron Livingston. C'est des gens qu'on a tous vus quelque part. Tu vas reconnaître le visage de ces acteurs-là. Il faut que tu vois ça. Je l'ai écrit sur mon petit papier. Écoute, moi, je suis un amateur de films d'horreur là, depuis ma tendre enfance. Là, et je te dirais que depuis bien des décennies, je trouve que le cinéma d'horreur est rendu très poche. J'ai dit que sur 20 sorties, il y en a minimalement 1,5 à 2 qui sont bien. Il faut savoir revirer, ce moment donné. Ça y va par vagues. Mais ça réconforte de voir un film comme ça. Bien. Ça réconforte vraiment. Et le dernier petit chapitre cinéma, c'est le film, la section à revoir ou à découvrir, bien entendu. Et le grand classique des classiques, Planet of the Apes. Ah ben oui, il fallait qu'on en parle la semaine dernière. Ben voilà, c'est ce qui m'a inspiré, effectivement. La planète des singes de 1968, l'original de Franklin G. Schaffner, qui met en vedette Charlton Heston, Roddy McDowall et Kim Hunter, c'est un des meilleurs films de science-fiction, je dirais, de l'époque du cinéma de science-fiction, parce qu'il est intelligent, il est brillant, innovateur, et il y a un travail de maquillage, mon ami, qui est absolument ahurissant. Pour moi, c'est un film vraiment champion, c'est un 10 sur 10. Planet of the Apes. Il y a une grande saga de Planet of the Apes. Tu sais qu'il y en a 4, mais je crois qu'il y en a même 5. Il y en a 5. Je dirais que, minimalement, le premier est extraordinaire, le deuxième est bien, le troisième est correct. Après ça, ça dérape un peu, il y a tiré la sauce. Mais il faut que vous connaissiez le original, le 68, qui n'a rien à voir avec les remakes qui ont été faits. Ceci étant dit, nous allons continuer musicalement, cette fois-ci, avec une portion, death metal. Ah non, pas de ça. Ben oui, écoute, je suis incorrigible, qu'est-ce que tu veux? Mais petit fripon. Effectivement, nous allons débuter le tout de suite avec la formation Graves of Valor, la pièce Pestilence. Now Yeah, Oh! ce dimanche 20 octobre au CAPS de l'UQTR. Assistez au match de soccer opposant les Patriotes de l'UQTR et l'Université McGill. Féminin 15h, masculin 13h. Admission 5$. Le soccer des Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Salut, c'est Fred, ton animateur de karaoké le monde soir à Chasse Galerie. Le lundi 28 octobre, moi et mes chums musiciens, on fait un choix saveur chansonnière après l'impro à la Chasse Galerie. Viens nous voir, tu seras pas déçu, oh que non! Tu aimes le québécois, l'anglo, le pop, rock, punk, métal et la bonne bière pas chère. Tu seras encore moins déçu. Notre nom de groupe, les prophètes. Pourquoi les prophètes? Viens nous voir pour le savoir. Et tu sais quoi? C'est bientôt l'Halloween quand on va être là. Alors déguise-toi en ton band préféré et on va donner un pichet de bière à la personne qui sera le plus donnée lors de cette soirée. Allez, on t'attend à la Chasse Galerie le 28 octobre prochain à 22h. Yeah! C'est fou. 89.1. Et l'émission tire à sa fin tranquillement, pas vite. Et Sinistro, ce qu'avons-nous entendu? Ben, je sais pas. Bon, c'est encore moi qu'il faut que je fasse le travail. T'as pas le choix. Fais le job. Bon, OK. Bon, on va dire que t'as passé... OK. Bon, c'était supposé être mon bloc, OK. J'ai entendu l'information Nile et la pièce The Inevitable Degradation of Flesh que l'on retrouve sur le dernier album de cette formation américaine, At the Gates of Setu. Qui est paru en 2012. C'est tout, moi, c'est là. Tout. Je sais tout. Ouais. Qui est paru en 2012 sur l'étiquette Nuclear Blast. Comment tu l'aimes, cet album-là, toi, je pense? Bon, très bien. Ouais, ouais. Tu l'aimes pas, toi? Tu l'aimes très bien? Ben, très, très bien. Je pense que c'était mérité un 8.5 sur 10. Là. Moi, je le trouve cool. Je le trouve très cool. Ouais. Par contre, jusqu'à présent, mon préféré est vraiment Tifalik. Mais je les connais pas, les autres. Ah. Faut que c'est le troisième avant-dernier. Il va falloir que je paye à cette... épouvantable, inculte... Carence. Carence en musique, c'est ça. Voilà. Juste auparavant, nous avions Haid et la pièce Crixius Flags of Dishonor que l'on retrouve sur l'album, très bon album, Spartacus, paru en 2013 sur Blast Head Record. Et ici, c'est vraiment bien parce que cet album est très conceptuel puis il raconte vraiment l'histoire de Spartacus en tant que esclave et devant obligatoirement se battre en tant que gladiateur. Chose intéressante, c'est George Corlias de Nile qui fait la batterie sur l'album. Tout à fait. Juste auparavant, nous avions Haimon et la pièce Lash Thy Tongue and Vomit Lies. Lave ta langue puis vomis des mensonges. C'était une traduction sinistre. Ben, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Lave ta langue si tu dis des mensonges. Va te laver la langue au cric. C'est ça. Quand tu fais bien sur blé pour enlever le surplus. C'est tiré de Liar in Wait. C'est paru en 2012 et c'est une autoproduction. Et nous avions une ouverture de Block, Graves of Valor et la pièce Pestilence que l'on retrouve sur l'album Salarian Gates qui est paru en 2009 sur Relapse. Et c'était le dernier album de cette courte discographie de trois albums pour cette formation américaine Graves of Valor. Je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus après, mais cet album-là est très bon. Spectacle à l'extérieur de la région immédiate, BCI Brief Concert International vous propose samedi le 16 novembre prochain au Métropolis les formations Sepultura, Cataclysm, Unhurt, Ancients et Dark Sermon. C'est à 18h30, c'est pour tous au coût de 26,9 et 30 et 43 plus taxes. C'est disponible au Ticketmaster, via Ticketmaster devrais-je dire. Et le samedi 30 novembre au Club Soda, Hailstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. C'est à 20h, c'est pour tous également. C'est au coût de $23.29 taxes incluses et c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Et on vous rappelle bien entendu que ce week-end, c'est le Trois-Rivières Metal Fest 13e édition à la bâtisse industrielle du 1760 Avenue Gilles Villeneuve ici à Trois-Rivières. Vous pourrez voir le vendredi 11 octobre l'information. J'ai encore un blanc de mémoire pour le... Tribunal, en ouverture, un opening act pour ce festival, suivi de Honeyman, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation. Étant qu'au samedi 12 octobre, et My Words, Insurrection ou Insurrection, selon le... comment vous les prononcez? Parce que les deux se disent, n'est-ce pas? Si la pièce est en français ou si c'est en anglais. Voilà. Battlecross, The Acacia Strains, Shadows Fall... Selon si la pièce est en français ou en anglais, c'est bon. Donc, Shadows Fall, Obituary et Hatebreed. Les portes de la bâtisse industrielle ouvrent à 17h, début des spectacles à 18h, c'est pour tous, au coût de $35 billet individuel par soir et $60 pour le forfait deux soirs. Et comme Jeff l'a dit tout à l'heure, il en reste de moins en moins. Donc, si vous voulez avoir un forfait, ce qui vous donne automatiquement, entre autres, officiellement, assurément, la compilation du Trois-Rivières Metal Fest, plus un billet pour le tirage du cabinet de... Nomade. Voilà. Ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement, cette fois-ci avec les choix poches. Incontestés. Ouais, là-dessus, il y a bien des affaires pas écoutables. Là. Ben oui, comme d'habitude. Destiny Strauss. Petit bloc heavy metal. Ouais. J'ai une question à te poser, moi. Ben vas-y donc. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai comme... renouer de plus en plus avec... Avec le heavy metal. Oui. Mais le vrai, là. Oui, le vrai. Le véritable, comme je fais passer l'eau, là. Effectivement. Mm. Je sais pas. On dirait que c'est une roue qui tourne. Ben, c'est parce que là, je me suis aperçu, puis je l'ai écrit dans ma chronique de Satan, Life Sentence, mm-hmm. qu'il y a un heureux retour aux années 80 où ce que le métal était originel et original. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression que ces dernières années, le métal est tellement sursaturé. Il y a tellement de stock qui sort, mais tellement de choses plus ou moins intéressantes. Plus ou moins intéressantes que il y a comme un retour aux sources qui s'effectue. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est peut-être ce qui se faisait il y a 25-30 ans qui est encore le meilleur stock. C'est un peu le sentiment que j'ai. Je reviens aux sources et puis je redécouvre des trucs que j'avais pas écoutés depuis peut-être 20 ans. Et plus, et je me dis, ben c'était bon. Mais ce qui est drôle, c'est dans le cas de Satan ou de Hell, ou ben non, de Accept, mettons, on va dire, c'est tous des vieux groupes mm-hmm. qui reviennent vraiment comme là, mais avec leur son qu'il y avait originalement, mm-hmm. puis ça rock à côté. Tout à fait, puis c'est très d'actualité oui, aussi. Oui. Tu sais, un band de jeunes ferait la même chose, possiblement que ça ne serait pas aussi intéressant. Oui, il y a une historique qui vient avec. C'est ça. Oui, tout à fait. Tu nous proposes? Ben, on va commencer avec un classique, Grim Reaper, de l'album See You in Hell, qui est paru en 83, avec la pièce Dead on Arrival. Mm-hmm. C'est un excellent album, ça. Pour faire suite au Grim Reaper, ben, après ça, c'est Satan. Ah, ben, regardons ça, regardons toi. Ça, c'est. Puis après Satan, ben, c'est en bon enfer, Hell. Ben oui, puis après ça, tu acceptes tout. Faut t'acceptes que tu sois là. Alors, Grim Reaper, Dead on Arrival, tiré de See You in Hell. C'est bon. We'll be right back. sacrifice made by those gone before. The legend is cried on the cenotaph wall. The Cenotaph Wall. So. Accept Hellfire, tiré de l'album Stalingrad, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Hell, Plague and Fire, Hell, qui va sortir un nouvel album incessamment. Oui. Le 20 novembre, je pense. Plague and Fire, tiré de Human Remains, c'est paru en 2011, également sur Nuclear Blast. Satan, excusez-moi, Satan, avec Cenotaph, tiré de l'album Life Sentence, c'est paru plus tôt en 2013 sur Listenable Records. Et on a commencé avec une vieillerie, Grim Reaper, Dead on Arrival, sur l'album See You in Hell de 1983. Dernière pièce de la soirée, une pièce de Origin, la pièce étant Conserving Death, que l'on retrouve sur Entity, paru en 2011 sur Nuclear Blast. La semaine prochaine, moi, je vous proposerai une incursion vers le nouvel album de Death Angel, qui est excellent. Sur ce, allez tous vous faire foutre.